Bonjour à tous. Aujourd'hui, kaki rôti au miel plus baies roses pour 4 personnes. 4 kakis, 2 cuillères à soupe de miel d'acacia, 30 g de beurre, un citron jaune et une cuillère à café de baies roses. Lavez les kakis, les évidez comme une pomme. Les placez dans un plat allant au four. Concassez les baies, les torréfiez. À plus, ajoutez le beurre fondu, le miel, les zestes de citron. Portez ce mélange à ébullition et le versez sur les kakis. Enfournez 45 minutes à 70 degrés en arrosant de temps en temps. À la sortie du four, arrosez avec le jus de citron. Dressez sur les assiettes tièdes avec un peu de jus, plus une boule de glace vanille. Une boisson conseillée, une bière blonde artisanale à boire avec modération.